Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. C'est maintenant le moment d'accueillir Sophie Laforêt. Sophie, bonjour. Bon matin, messieurs. Bon matin, bon Sophie. Matin. Chronique stéréotonine, Sophie, ce matin. De quoi nous parles-tu? Aujourd'hui, une formule assez simple. Je vais faire un survol avec vous des spectacles à venir à Trois-Rivières. Oui. Côté musical et aussi côté théâtre, impro et tout ça. Il y en a plusieurs, hein? Oui, à ma grande surprise, là, ça semble s'enligner pour être plus mouvementé que le mois d'octobre. Bon, mais c'est des bonnes nouvelles. Oui, donc sans plus tarder, ce jeudi, en fait, qui est le spectacle que j'attends du mois de novembre, la formation montréalaise We Are Wolves. Mm-hmm. Et donc, ça va avoir lieu au Nord-Ouest Café de Trois-Rivières. Et ils vont jouer avec la formation aussi canadienne Parvler. En fait, canadienne, je dis canadienne, mais mm-hmm. c'est deux formations de Montréal. Et donc, We Are Wolves, vous aviez peut-être eu la chance d'entendre ça sur nos ondes, puisque leur album Invisible Violence est sur notre palmarès depuis déjà quelques semaines, depuis la sortie, je crois. Sophie? Oui? On va en profiter pour dire qu'on a un 5 à 7 sympathique. Ben oui! Qui va être au Nord-Ouest Café demain. Donc, 5 à 7. Pour les animateurs, animatrices, chroniqueurs, co-animateurs, etc. Puis ça va précéder le spectacle de We Are Wolves. Oui, alors en même temps, s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, pourquoi pas? Ben oui, la merveilleuse équipe de C'est Fou. Ça nous ferait plaisir. Puis sinon, côté calendrier, on a aussi la formation Trifluvienne Caïman Fou, qu'on connaît aussi très bien. Très bonne formation. À C'est Fou, donc ça va avoir lieu le 7 novembre, donc ce samedi à la salle Anaïs Rousseau de Trois-Rivières. Sinon, le même soir, là, on a deux options. Il y a aussi la deuxième prestation de partie intime qui est de l'improvisation théâtrale qui va avoir lieu au Charlot de Trois-Rivières. Donc, pour ceux qui connaissent là, certains des étudiants de l'UQTR, ceux qui animaient, entre autres, UQTR en spectacle, Alexandre Gauthier, qui fait partie aussi de la Ligue d'improvisation de l'université, et Hélène Martin également font partie de ce projet-là d'improvisation théâtrale. Okay. Alors, autre suggestion sortie. Sinon, je ne sais pas si vous connaissez Fanny Thibault. Est-ce que ça vous dit quelque moi, chose? Moi, non, ben non. Non, parce que j'ai vu qu'elle faisait une prestation au Charlot le 9 novembre, donc okay. Le lundi prochain. Puis c'est une jeune auteure-compositeur-interprète de Trois-Rivières. C'est pour ça que je me demandais si vous la connaissez. Moi, je ne la connaissais pas. Non, je ne la connaissais pas. Je suis allée écouter son MySpace, donc myspace.com/FannyThibault. Puis c'est assez convivial, assez simple, mais c'est joli, le piano-voix. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à voir un spectacle sympathique, allez voir son MySpace. Sinon, du côté du Gambrinus, le 17 novembre, Marc-Pierre Arthur, qui va venir faire un spectacle, j'aimerais bien aller la voir aussi. Entrée 10$, donc c'est assez... C'est raisonnable. C'est raisonnable, surtout que Marc-Pierre Arthur... est quand même déjà bien connu sur la scène québécoise. Elle fait déjà plusieurs spectacles. Donc, une autre suggestion. Et sinon, encore deux autres options. Le 20 novembre, premier concert de la série « Feu de forêt dans le désert », qui est une nouvelle série lancée par une étiquette de disque de Trois-Rivières dont je vous parlerai la semaine prochaine. Et ça va avoir lieu à l'Appart avec, entre autres, les formations « La maladresse »,« The Post-True »,« The End » et « You, Yourself and I ». Donc, trois formations, c'est assez rock. Là. Moi, j'ai écouté La Maladresse pour l'instant et ça rock. On a ça aussi assez fou. Peut-être qu'on entendra ça la semaine prochaine. Et pour finir, le 24 novembre, Amélie Gagnon en 4 soirs jazz. C'est celle qui a gagné UQTR en spectacle l'année dernière. Donc, au Gambrinus en spectacle. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, hein, vraiment. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Oui, vraiment, on passe de rock à quelque chose de super sympathique, piano-voix, jazz, pour tous les goûts. À mois de novembre, mois des morts, mais pas du côté de la scène culturelle. Non, ça fait du bien, justement. On sait que novembre, on a une petite baisse des fois, la température, tout ça. Pourquoi pas sortir et aller voir de bons spectacles dans notre belle ville? Ben oui, mettre un peu de soleil dans notre cœur et dans nos têtes. Exactement. Et pour conclure, je vais vous proposer une pièce de la formation We Are Wolves, justement, qui sort en spectacle demain soir au Nord-Ouest Café. Ça s'intitule Near Fear de leur album Invisible Violence, dernier album de la formation, qui est leur troisième. Merci beaucoup, Sophie Laforêt. Merci à vous. On se retrouve mardi prochain, 8h30. C'est un rendez-vous.